a créé l'humanité, l'a mise sur la terre, l'a conduite jusqu'à ce jour. Lui, sacrifice d'expiation, par cela a sauvé l'homme. À la fin, il doit conquérir, restaurer l'homme à son état d'origine. Depuis le début, c'est l'œuvre dans laquelle il s'est engagé. Il va établir son royaume, restaurer son autorité sur la terre et l'état de l'homme. Il va restaurer son autorité parmi tous ceux qu'il a créés. Corrompu par Satan, l'homme perdit son cœur craignant Dieu, perdit la fonction qu'une créature de Dieu aurait dû avoir dès le départ. Il devint l'ennemi de Dieu, vivant sous les ordres et dans le domaine de Satan. Perdit l'obéissance, la crainte de l'homme, et son œuvre ne peut être faite parmi les hommes. Il va établir son royaume, restaurer son autorité sur la terre et l'état de l'homme. Il va restaurer son autorité parmi ceux qu'il a créés. L'homme fut créé par Dieu et devrait l'adorer. Mais l'homme tourna le dos à Dieu. Et vénéra Satan. Satan devint l'idole du cœur de l'homme. Dieu perdit sa place dans son cœur. Ainsi l'homme perdit le sens pour lequel il fut créé. Pour restaurer ce sens, l'homme doit retourner à sa condition d'origine. Dieu doit ôter son tempérament corrompu. Il va établir son royaume, restaurer son autorité sur la terre et l'état de l'homme. Il va restaurer son autorité parmi tous ceux qu'il a créés. Oh, oh, oh, oh, Pour réclamer l'homme à Satan, Dieu doit le sauver du péché. Alors il pourra peu à peu restaurer sa fonction d'origine, à la fin restaurer son royaume. Les fils de la désobéissance seront détruits. pour permettre à l'homme de mieux adorer Dieu et de mieux vivre ici sur terre.